Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 68e émission, nous vous proposons une émission spéciale contre culture musique. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes ayant fait le choix courageux de signer chez contre culture musique. Stéphane Blais, Stéphane, bonjour à vous. Bonjour. Et Philippe Guep, Philippe, bonjour à vous. Bonjour. Alors, bienvenue à tous les deux sur RFM. Dans cette émission, nous allons parler musique et résistance. Mais avant de commencer, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Stéphane Blais, Philippe Guep, vous êtes tous deux musiciens. Ce que je vous propose, c'est que vous présentiez chacun votre parcours. Je sais que vous avez suivi la voie du système avant de vous en écarter. Racontez-nous. Stéphane. Bah, si tu veux. J'ai la voie du système, c'est-à-dire qu'on est un petit peu obligé au départ. Moi, j'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. Je viens d'une famille de non-musiciens. Et puis, je suis passé quand j'étais assez jeune par le conservatoire de Boulogne, la ville où je suis né, donc Boulogne-Billancourt, hein, Boulogne-sur-Seine. J'en suis sorti avec mes premiers prix de piano, de musique de chambre, tout ça, à 14 ans. Et là, j'ai eu la chance d'être repéré par un grand pianiste américain, Byron Janis, qui m'a invité à venir travailler avec lui, et ça a été mon père musical, on peut dire. Donc j'ai eu la chance d'échapper déjà à une partie du système, c'est-à-dire de pas passer par le conservatoire de Paris, qui m'enthousiasmait pas plus que ça, et plus je vois avec le recul, plus je me dis que j'ai eu raison. Et donc j'ai commencé, j'ai fait mes premiers concerts là-bas, et effectivement, comme tous les artistes français, en fait, on commence à être reconnu ici quand on a fait quelque chose à l'étranger. Ça pour le coup, c'est très typique du système. Donc effectivement, après les premiers concerts que j'ai donnés à New York, quand j'avais 16 ans à peu près, on m'a invité en France, à Gaveau, Théâtre des Champs-Élysées, puis j'ai fait mes premiers disques. Alors effectivement, j'ai commencé chez Philips, avec un agent de concert, enfin le truc normal, et puis au fur et à mesure, le système pesait de plus en plus, c'est-à-dire qu'on manque pas mal de liberté, déjà même sans parler de d'être dissident ou pas. Avant ça, on est quand même déjà assez esclave des organisations, des concerts qui se préparent très longtemps à l'avance. On essaie de vous pousser à jouer des choses qui ne sont pas forcément celles que vous voulez jouer. Et donc, dès le départ, j'essayais de m'en éloigner autant que faire se peut. Et puis, quand même, les 15 dernières années, le milieu musical a beaucoup changé. Ça s'est pas vraiment arrangé. Et effectivement, quand en plus on a des opinions qui sont pas celles qu'il est bon d'avoir quand on est artiste, quand on n'est pas forcément du Parti Socialiste, quand on n'est pas pour la GPA, etc. Bon, c'est sûr qu'on se fait tout de suite remarquer, pas en bien, voilà. Et les boycotts arrivent très très vite. Donc effectivement, je me suis toujours débrouillé pour d'abord ne pas jouer qu'en France. Et comme je suis incapable de... Enfin, je sais pas que je suis incapable de me taire, mais je peux pas faire semblant d'être ce que je suis pas, donc je joue de plus en plus à l'étranger, moi en France, et puis voilà, en espérant que le monde musical changera un petit peu. Mais c'est vrai que les milieux de la musique classique sont quand même très particuliers, c'est très lié à l'argent, tout est tenu par quelques personnes, hein, toujours les mêmes, c'est un petit peu comme dans la presse. Ou le cinéma, voilà, c'est absolument la même chose. Or, il y a peut-être des gens qui croient que parce qu'on est pianiste, on est moins... Ça se passe de manière un peu plus simple. C'est pas du tout le cas, au contraire. Donc, effectivement, c'est moi, je joue pour moi et pour le public, mais alors vraiment le milieu musical au sens où on l'entend, moins je le vois, mieux je me porte. Nous pouvons préciser à nos auditeurs que vous êtes actuellement en Turquie. Oui, je vis la moitié du temps en Turquie maintenant, pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore la Turquie depuis des années, enfin j'y vais depuis longtemps, je parle la langue, je joue avec beaucoup d'amis musiciens turcs, et puis donc d'abord j'avais envie d'y aller de plus en plus, et puis effectivement le fait qu'on me casse les pieds de plus en plus en France pour mes opinions et le reste ont fait que j'y vais de plus en plus, et puis je me sens très bien comme ça. Vous, Philippe Guep, vous avez également un parcours où vous avez commencé par le système. Ouais, pas directement. En fait, En fait, moi, je viens d'un petit village de nos jolies provinces françaises, donc vraiment la campagne. J'ai mis pas mal de temps avant de faire les démarches pour, parce que j'ai eu envie de bouffer avec le, enfin comme tout le monde, hein, on fait de la musique au départ. Enfin, moi, j'en ai fait pour le plaisir au départ, et puis après, comme dirait Salvador, il faut faire de l'alimentaire. Donc, je me suis mis à écrire des chansons, pour les autres. Et de là, effectivement, j'ai travaillé, on va dire, pour le système, quoi, pour toute la variété qu'on supporte à la radio, enfin que les Français ont, je pense, de plus en plus de mal à supporter quand même à la radio. Voilà. Quand vous dites pour les autres, c'est pour des comédies musicales, des... Entre autres, ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. Et quand vous dites écrire des chansons, c'est paroles et musique? Alors, oui, la chance que j'avais, c'est que... Enfin, moi, je suis autodidacte vraiment au départ, donc j'ai commencé à faire de la guitare en prenant trois cours dans une MJC qu'une copine, j'avais 14 ans. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'écoute. Enfin, je bossais de chez moi tout seul, un peu de manière besogneuse, on va dire. Et... donc j'avais à l'époque les vinyles, donc je mettais le vinyle, je repiquais les solos, j'écoutais tout le rock parce que je viens de cette époque, on va dire début des années 80. Et donc voilà, et à force vraiment d'écouter, de dépioter, mais ça allait de AC/DC à Gainsbourg, enfin tout ce qu'on entendait à la radio et tout ça. Voilà, je sais plus d'ailleurs pourquoi je suis dans mon raisonnement. Et qu'est-ce qui vous a pesé dans ce que vous appelez alimentaire? C'est les cahiers des charges, la fréquentation d'un milieu Ouais. On va dire que c'est l'ambiance générale des maisons de disques. Je bossais pour une grosse boîte d'édition, enfin voilà, une grosse boîte d'édition. Ce qu'on appelle une major. Ouais. Ouais. Ok. Bah alors racontez-nous concrètement, parce que nous on ne connaît rien à ce milieu. C'est un milieu assez mystérieux. Comment ça se passe pour un artiste? Quels sont les contacts qu'établit un artiste avec ces grandes majors? Vous êtes, il y a des intermédiaires, il y a des... Ah oh, oui, oui. C'est-à-dire que comment vous traitez un petit peu, oui. Non, en fait, on est, je sais pas comment expliquer. Moi, je me suis retrouvé là-dedans par cooptage. On dit comme c'est le mot, non? Cooptation. Cooptation, ouais. Ouais, voilà. Donc j'avais un pote qui était, j'ai toujours d'ailleurs, c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait l'album Le Retour du Roi, un arrangeur qui bosse vraiment pour tout un tas d'artistes. Je dirais pas son nom parce que je veux pas qu'il lui arrive des problèmes. Mais donc, cet ami-là, un jour, donc j'avais envie d'arrêter la musique. Donc je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, j'avais déjà fait pas mal de concerts, de trucs, j'avais fait plusieurs disques, ça, je rentrais pas dans le moule si vous voulez, j'ai toujours été un petit peu à côté de ce qu'on attendait de moi, enfin ce que les maisons de disques attendent d'un mec qui ferme sa gueule et qui chante, il y a qu'à voir ce qu'il nous présente à la télé. Et donc en fait un jour j'ai un pote qui était sur un enregistrement d'album de quelqu'un de très connu qui me dit écoute, ils n'ont pas de titre vraiment. Je suis vraiment dans le panier de crabe, comme il me dit, c'est son expression. Il me dit donc, je suis là, envoie-moi vite des chansons. Donc c'était pour une chanteuse, une vieille chanteuse sur le retour que le système avait envie de reprendre un peu de fric sur son dos. Et en fait, j'ai été super inspiré. C'est vrai que c'est une nana que j'écoutais quand j'avais 15 ans, donc ça m'a super plu. Et j'ai pondu trois chansons en une nuit. Donc je lui ai envoyé ça vite fait. Et de là, ils étaient super contents, il y avait un single, tout le monde était content. Et alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ce cinéma, c'est qu'en fait, les chansons sont prises. Donc moi, j'étais inconnu, si vous voulez. Voilà. Une fois que les projets sont, installés sur Paris... Ça rentre en studio, donc tout le monde se... Ouais, c'est génial, j'adore ce que tu fais. Enfin, c'est l'ambiance générale. Et en réalité, à partir du moment où on rentre vraiment dans les productions, là, on a tout le staff, du business parisien qui prend les manettes. C'est-à-dire que, voilà, jusqu'au moment où ça devient vraiment l'enregistrement, on passe aux choses sérieuses. Et là, si vous voulez, il y a un gars, je peux pas le dire à l'antenne, mais il y a un des plus gros pontes de la chanson française des années 80 qui est arrivé, qui a pris en main, c'était la maison de disques, mais c'était une maison de disques très connue, il a pris en main le projet, et de là, il a fait sauter toutes les chansons des jeunes comme moi, on va dire, voilà. Ou alors, ce qu'il a fait avec mes titres, c'est qu'il a changé les couplets. Donc, il a pris un dictionnaire des synonymes, c'est comme ça que ça se passe. Il a changé les couplets, Ils ont gardé le refrain, parce que le refrain, il était imparable, ils ne pouvaient pas le virer, il n'y avait plus de titre. Et de là, on m'a demandé de céder mes droits d'auteur. Ah bah voilà, oui, ça c'est typique. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les maisons de disques. C'est pour ça que j'ai fini par partir, parce que c'est un truc, tu deviens dingue, quoi. Et en bout de chaîne, on a des artistes qui souvent sont obligés de coller à une image qui leur est imposée et qui ne désirent pas du tout et qui se retrouvent obligés d'assumer. J'ai un exemple extraordinaire là-dessus, sur une fille d'une grosse majeure qui en fait était en panne d'inspiration. Enfin, le premier album avait bien marché, quelqu'un de très connu, et on lui a demandé de faire de la musique un peu traditionnelle d'une région, je veux pas dire. On l'a déguisé. On va dire en bretonne, et puis on lui a dit maintenant tu vas chanter ça, quoi. Ou ceux qui sont obligés de faire les chanteurs pour Minette ou ce genre mais de choses. Attendez, moi je reviens sur céder les droits d'auteur, vous avez dit ça comme ça, mais concrètement, vous cédez vos droits d'auteur, ça veut dire quoi? Céder les droits d'auteur, ça veut dire céder les droits d'auteur. Mais alors vous bossez pour pot de balle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il si je peux. Ouais, Stéphane, il doit être au courant. Moi, je fais du classique, mais je comprends ce qu'il veut dire, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, la loi sur le plagiat est une véritable blague, pour la musique. C'est-à-dire que n'importe quel mec, que ce soit pour du classique ou de la variété ou ce que tu veux, n'importe quel type qui va changer une note sur une partition ou transposer un demi-ton au-dessus, enfin bon, n'importe quoi, peut dire, bon, de toute façon, maintenant, c'est à moi, c'est pas du plagiat, parce que regardez, j'ai changé une note, etc. Donc, en gros, ce que je crois que tu veux nous dire, c'est que ils t'ont mis devant le fait accompli en disant de toute façon ou t'acceptes ça ou de toute façon ça sera pareil, parce que d'accord. Partir du moment où les juges connaissent rien à la musique la plupart du temps, et la loi ne protège pas du tout des plagiats. D'ailleurs, on le voit dans la pub aussi, c'est hallucinant. Pour éviter de payer les compositeurs, même sur des trucs très célèbres, ils changent une note ou même pas, je veux dire, ils transposent, c'est-à-dire c'est la même chose mais une note plus haut ou plus bas, et voilà. Donc on a plein de cas comme ça, c'est évident. Donc en fait, il y a toute une mafia autour de ça. C'est des escrocs. Ah bah c'est très clair. On peut dire ça, ouais. Je crois, ouais. D'accord. Et est-ce que vous diriez que ce milieu de la musique institutionnelle est aux abois, avec Internet, avec Deezer, avec tout non, ça? Alors, parce moi, que c'est un peu répondre... l'impression qu'on a de l'extérieur. On se dit, les mecs, comment ils gagnent leur vie? Puisque maintenant, pour écouter de musique, excusez-moi, je vais sur Deezer. Oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est horrible. Moi, si tu veux, justement, parce que je me posais cette question à peu près de voir où on en est, en fait, je suis allé sur YouTube et je suis allé voir donc les trucs, des vidéos qui font 20 millions de vues, 30 millions de vues. C'est Gradure. Non, mais je sais pas si vous connaissez ça, c'est du délire total. Jul, vous avez entendu parler de cet artiste? Non, mais je suis allé voir parce que moi, j'ai un gamin qui me parlait de ça. Donc, je suis allé voir. C'est du délire. Donc, non, mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les gens, maintenant, sont tellement habitués, enfin, à entendre, on va dire... Ils hors demandent, quoi. De la daube. Mais ça leur va. Enfin, on leur passe ça toute la journée sur W9, ils allument la télé, on leur passe les vidéos d'un tel machin. C'est horrible. Il y a vraiment une dégringolade du niveau, quoi. Mais c'est carabiné. Donc, je pense pas, ils font des ronds avec ça, ça cartonne. Non, on est vraiment dans le système, là, par contre. C'est-à-dire, ils ont dû, en tout cas, bon, pour le classique, c'est un peu la même chose. Au départ, il y a 20 ans, le classique se vendait très bien. Enfin, les grandes majors, etc. Donc, ils avaient pris un peu la grosse tête. Et à l'époque, je me souviens, YouTube et des trucs de ce genre-là leur avaient proposé de faire un deal, et ils avaient pris ça de haut en disant on n'a pas besoin de vous, machin, bon. Et puis évidemment, les choses ont fait que quand même les chiffres ont chuté, mais alors considérablement, là je parle du classique et du jazz aussi d'ailleurs. Ils se sont mis vraiment à plus rien vendre du tout, et donc maintenant ils ont trouvé d'autres systèmes pour tenir le coup. C'est-à-dire que maintenant ils font des deals aussi avec Deezer ou d'autres trucs comme ça. Ils vendent les albums des artistes, qui se font d'ailleurs la plupart du temps pas rémunérés, parce que pour aller prouver ça. Moi, j'ai même eu le cas de mes nocturnes de Chopin que j'ai fait ont été utilisées pour une musique de film, d'un film de la Gaumont. J'ai jamais touché un centime dessus, ils m'ont pas demandé mon autorisation. J'aurais pu faire un procès, mais bon, j'en ai marre de faire des procès, puis on sait que les avocats d'affaires, ça dure très longtemps, mais c'est tout le temps comme ça. Donc effectivement, pour tenir maintenant, en tout cas dans le classique et dans le jazz, ils font des deals avec Deezer, Music Me et d'autres structures comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils gagnent aussi de l'argent par le digital. digital. Hein. Et c'est là que les artistes d'ailleurs, se font encore plus avoir, hein. Ça c'est clair. Et par le droit à l'image, en ce qui concerne les plus grandes célébrités. Voilà, oui, c'est ça. Alors, en plus, bon, alors, sur le plan moral, là, je veux dire, il n'y a plus rien qui tient. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je parle encore du classique, il y a par exemple des enregistrements de Glenn Gould ou de Vladimir Horowitz qui sortent, enfin, jamais ils n'auraient donné l'autorisation. Il n'y a plus de droit à l'image. Enfin, je veux dire, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que même des enregistrements qui ont été absolument refusés par le musicien sortent comme ça, s'ils peuvent faire un peu de fric avec. Voilà, et s'il n'y a pas, j'allais dire, la femme ou le fils de l'artiste qui est encore là et qui, voilà. Et même avec ça, c'est quasiment impossible. Donc il y a des choses qui sont carrément des trahisons des artistes, mais ils s'en foutent complètement. Alors, on va préciser que vous avez sorti un album chez Contre-Culture Musique qui s'appelle Figure Libre. Figure Libre. Donc on va écouter, tiens, qu'est-ce que vous voudriez que nous écoutions, Stéphane Lé? Oh, bah peut-être le Libertango d'Astor Piazzolla. Ça met. On en écoute un extrait. Libertango, Philippe Guepp. Ah, moi j'adore déjà le titre, je l'aime beaucoup. Enfin, là, je sais pas comment on dit une chanson. Moi je connaissais la version de comment Guy Marchand, voilà, dans les années 70, là, qu'il avait fait, c'était assez rigolo. Ah oui, mais là, moi, ce qui me scie chez Stéphane et tous les grands musiciens, c'est la vélocité, quoi. Enfin, c'est les doigts qui survolent le piano. Ça m'a complètement toujours halluciné. Mais je pense que c'est un truc, ça, tu l'as petit, quoi. Tu peux pas développer ça quand t'attaques comme moi la musique à 14 ans. Tu prends ta guitare pour draguer les filles. Là, tu peux pas. Là, je connais moins la guitare, mais c'est vrai qu'il y a, oui, il y a quelque chose d'inné sans doute, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré c'est boulot. C'est un boulot dingue. Comme disait Steve Vladimir Horowitz, qui disait une journée sans jouer, je le sens. Deux jours sans jouer, ma femme s'en aperçoit. Trois jours sans jouer, c'est le public qui s'en aperçoit. C'est vrai qu'il y a un côté. C'est de l'art, évidemment, mais il y a un côté sportif, c'est vrai. Qui est important aussi. C'est-à-dire que vous, concrètement, Stéphane Blais, vous jouez tous les jours. Ah bah oui, absolument. Vous faites vos gammes? Non, je fais jamais de gamme, mais je travaille sur les œuvres elles-mêmes. Donc, des exercices, bien sûr, aussi sur les œuvres, pas vraiment des gammes. Mais c'est sûr que... Bon, moi, je suis compositeur aussi, donc je compose beaucoup. Mais c'est sûr que lorsque tu as des concerts, tu dois travailler tous les jours. On le sent tout de suite, sinon. C'est-à-dire que j'apprends très vite, mais on désapprend très vite aussi. Donc, c'est vrai que si on joue pas pendant 3 ou 4 jours, à ce niveau-là, ça va finir par s'entendre, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a... Mais bon, moi je prends pas ça comme un travail parce que j'ai toujours le plaisir de le faire, mais c'est moins la longueur, c'est moins le nombre d'heures de travail plutôt que l'intensité, la manière dont on travaille aussi, parce que il faut essayer de trouver un équilibre pour que ce soit toujours un plaisir de jouer et pas rentrer dans le côté purement mécanique. Mais ça, c'est chacun ses méthodes de travail. Et est-ce que dans le classique il y a une concurrence entre les artistes? Est-ce qu'en gros les autres artistes ont les dents qui rayent le plancher? Sur le piano, c'est hyper concurrentiel, non? Oui, bien sûr. Comme sur le violon. Ouais, enfin, il y a de tout. Hein. Il y a beaucoup de pianistes qui sont très sympas, qui sont pas du tout jalousies, qui au contraire sont très à l'affût de ce qui se passe, qui ont un respect pour les autres. Et puis oui, il y a certains qui s'en foutent. Enfin, c'est comme tout. Hein. Vous avez des gens qui font ça vraiment par passion et qui essaient d'accéder à la meilleure qualité possible. Et puis d'autres qui pensent uniquement à faire parler d'eux par tous les moyens. Voilà, bon, c'est un petit peu comme tout. Mais c'est vrai que le classique maintenant. Le public, on a un public fidèle, mais effectivement qui se renouvelle peut-être pas autant qu'il devrait, parce que c'est vrai que quand on voit en 25 ans, bon, on peut dire ce qu'on veut de qui était Jacques Martin ou Jacques Chancel, ou voilà, mais au moins il y a une vingtaine d'années, le classique était quand même intégré au reste, c'est-à-dire les émissions de Martin, on entendait de la variété, du jazz, du rock, du classique. C'était pas, aujourd'hui c'est vraiment, on dirait que c'est pour les malades ou les insomniaques à 4h du mat. Bon, heureusement qu'il y a d'autres manière d'écouter du classique, mais pour ceux qui n'ont pas eu accès et qui s'imaginent que le classique c'est forcément chiant parce que ça s'appelle classique, c'est un peu embêtant que les médias mainstream la montrent pas davantage. Donc c'est vrai que c'est quand même un public fidèle, mais particulier. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui pourraient s'y intéresser s'il y avait un petit effort de fait. Et alors le truc qui consiste à dire que c'est parce que il faut faire de l'audimat, ça, c'est pas vrai, parce que Jacques Martin faisait un très bon audimat, voilà, donc c'est pas parce qu'il mettait un petit peu de classique, ça faisait tomber l'audimat. Bon, évidemment, pas pour jouer les sonates de Boulez, sans doute, mais enfin bon, il y a autre chose. Mais on sent qu'il y a quand même une volonté de montrer le moins possible de musique classique. Voilà. Mais il y a aussi un malentendu sur la musique classique. Vous parliez de Boulez, on nous explique justement que la musique de Pierre Boulez succède à la musique classique, en quelque sorte, alors qu'en vérité, ce serait beaucoup plus les musiques de films où par exemple, Nino Rota a beaucoup plus de puissance que Boulez. Oui, disons, c'est deux choses différentes, mais c'est clair que de toute façon, déjà, musique classique, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. On aime bien mettre des étiquettes sur tout, mais finalement, on nous dit il y a la musique, alors déjà, la période classique, la période romantique, la période impressionniste, la période je sais pas quoi. Bon, moi, quand j'écoute certaines des variations Goldberg de Bach, c'est de la musique romantique. Vivaldi, des choses qui sont très romantiques. Bon, mais évidemment, on aime bien cibler comme ça par période. Donc les gens savent plus trop, classique, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, ce sont des périodes, mais il y a aujourd'hui des gens qui écrivent des choses néotonales, d'autres des choses atonales, d'autres, bon, il y a eu le dodécaphonisme, enfin, il y a des modes, mais quand même, on revient plus, on voit vers des musiques un peu moins... C'est-à-dire que la vie musicale en France a été pourrie pendant 40 ans dans le classique par la guerre entre Marcel Landowski et Pierre Boulez. C'est-à-dire que ça nous a bien emmerdés. C'est-à-dire qu'en gros, c'était deux égos surdimensionnés. Donc Landowski, qui était... Bon, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, quand même un compositeur assez... Enfin, pas très intéressant. Et bon, c'était vraiment l'institut, quoi. C'était l'institution. Le mec avait des médailles qui pendaient de tous les côtés. C'était... Voilà. Mais qui a fait certaines choses bien pour les orchestre français, ça il faut avouer. Et puis de l'autre côté, Boulez, il se détestait et pendant 40 ans, tous les jeunes compositeurs étaient mis devant l'obligation de choisir, fallait être landowskien ou boulezien. Enfin, c'était complètement ridicule, c'était une guéguerre. Et comme c'était les deux compositeurs qui avaient le poids financier, c'est-à-dire Boulez par Madame Pompidou en particulier, enfin par l'IRCAM, etc. Et puis Landowski par l'Institut, c'était vraiment les deux institutions, il fallait choisir son camp. Et pour ceux comme moi qui n'ont rien à secouer de tout ça, on a composé plus librement. Mais il faut voir que les structures de l'État essaient parfois de vous obliger à rentrer dans un moule. Effectivement, quand il s'agit de composition, c'est encore plus ennuyeux que pour le reste. Alors Philippe Guebbe, je me tourne vers vous. Est-ce que vous feriez un lien, et lequel, entre art et engagement politique, puisque nous sommes ici à l'heure la plus sombre ? En d'autres termes, comment expliquez-vous votre trajectoire, c'est-à-dire de passer du système à un modèle alternatif, qui est contre-culture musique ? C'est vrai que j'ai, avec ce que je vous ai raconté, j'ai décidé de quitter cette ambiance de malade. Donc après, moi, j'ai complètement décroché. Et je suis parti carrément sur d'autres terrains. Donc j'ai fait plein de trucs, notamment j'ai même travaillé sur les marchés. Enfin vraiment, j'ai vraiment quitté tout ça. Et Je suis allé à la rencontre du pays réel. Je sais plus qui dit ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me suis, alors franchement, là, du coup, coltiné des trucs improbables. Et je me suis dit, mais c'est complètement incroyable que, c'est-à-dire qu'on nous vend, un pays, enfin un monde complètement aseptisé. Enfin voilà, il y a qu'à voir. Enfin, j'ai des images, mais en ce moment on n'a que ça. En plus, hein, je pense par exemple à Hollande qui va au chevet du pauvre petit gars là. Je pense à Macron qui dit n'importe quoi en Algérie. Enfin tout ce bordel. Et là, je me dis, il faudrait que quand même tu fasses quelque chose. Parce que au moins que tu participes un petit peu à peut-être réveiller des consciences, voilà. Et effectivement, avec tout, j'allais pas retourner chez Warner ou Universal pour leur proposer ça, c'était mort. Donc je me suis dit, si je refais quelque chose, à qui va vouloir, voilà. Et du coup, j'ai découvert Contre-Culture, enfin depuis quelques temps déjà. Et je me suis dit, si je fais un jour, si je refais un album pour parler de tout ça, j'irai voir Contre-Culture. Et c'est comme ça, voilà. Là, c'est un témoignage de mon expérience personnelle. Après, je ne sais pas si vraiment j'ai une démarche, par rapport à la question que vous me posiez, qui est vraiment, j'avais envie de participer à l'édifice. Il faut quand même se remettre un peu la tête sur les épaules parce que ça part en confiture toute cette histoire. Quoi. Voilà, c'était... Alors, votre album, c'est ouais. Le Retour du Roi. Ce que je vous propose, c'est qu'on en écoute un extrait. Oui. Donc, quelle chanson vous souhaiteriez que nous écoutions? Je ne sais pas, c'est difficile. Shunya Forever? Oh, ça va piquer un peu, ça. Bon, chers auditeurs, je vous propose d'écouter Le Vent se lève de Philippe Guepp. J'avais imaginé l'âme. J'avais pensé que tu viendrais faire un tour, que l'on puisse échanger un peu de nos pensées. Et puis nos rêves. Nous sommes ce que nous sommes, peu de choses en somme, à croire que rien ne peut changer. Nous sommes ce que nous sommes, dans le décorum, que tu peux dépasser. Et si la terre explose, tous ces mots que je n'ose viendront se dire alors. Le vent se lève encore. Le vent se lève encore. Semble figé. Là, tout peut se révéler. Chers auditeurs, vous venez d'écouter un extrait du titre Le Vent se lève, tiré de l'album Le Retour du Roi de Philippe Guepp. Stéphane Blais, vous en pensez quoi? Ah oui, moi j'aime beaucoup, j'adore les paroles et ça, et puis la musique, c'est très néo-gainsbourgien là pour oui, le coup. Alors bah moi oui, qui aime oui, beaucoup Gainsbourg, j'adore, et puis c'est très bien foutu l'instrumentation, tout ça. Mmh. Non, j'aime beaucoup. Alors précisons à nos auditeurs que vous parliez avec Xavier pendant la musique de Emmanuel Krivine, le chef d'orchestre, cousin d'Alain Krivine. Emmanuel Krivine, c'est son frère qui m'exaspère. Emmanuel Krivine, c'est pas un mauvais chef, mais non, je le connais pas. Mais toi, tu parles du chef d'orchestre. Hein, il paraît qu'il est très difficile. difficile de travailler avec lui, ça c'est ce que j'ai entendu, mais comme on dit tellement de choses, on en dit sur tout le monde, donc je sais pas, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont pas Patrice non plus. Bon, bah, je veux dire, Renaud, on sait voilà, comment il a gagné, les, comme tu disais tout à l'heure, les victoires, mais dans le classique c'est pareil, hein, c'est la plupart des mecs, les chefs d'orchestre, ils sont prêts à faire absolument n'importe quoi, c'est à celui qui va, excuse-moi, mais qui va sucer le mieux, quoi. Hein, c'est maintenant, on disait, c'est comme Alain quand il parle les journalistes sont des putes ou des chômeurs, mais on n'en est même plus là. Ce sont des putes ou des putes, et par contre, il faut faire ça bien, quoi. C'est vraiment non-stop, c'est ça qui est terrible. Donc, je sais pas même comment les mecs font pour rester toute leur vie, en effet, dans le système, parce que bon, il y a toujours eu un peu des choses comme ça, mais c'est de plus en plus. C'est-à-dire, c'est vraiment de plus en plus visible et de plus en plus profond. Donc, voilà, bon, bah, ceux qui n'ont pas honte de le faire, bah, qui continuent, mais enfin, ils se rendent un peu ridicule. Surtout pour gagner si peu, puisque apparemment, quand on est un artiste dans le milieu de la musique, c'est, même financièrement, je veux dire, c'est pas... Oui, ah bah c'est certain que tout est tenu de toute façon, hein, et puis effectivement il y a des contrats types partout, donc que ça soit pour ceux qui disent bon bah voilà, on va essayer avec une autre maison de disque ou une autre maison d'édition. En fait, les mecs ils sont tous arrangés, ils ont des contrats types, donc de toute façon effectivement l'artiste se fait avoir la plupart du temps. Alors bon, à côté de ça il y a des petits labels indépendants qui des fois font bien leur boulot, mais c'est vrai que le système est conçu sur mesure pour laisser aucune place à des gens qui voudraient faire différemment. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors on a ici un musicien classique et puis un musicien plutôt de variété. Et il y a une question que je vais vous poser, que je me pose depuis très longtemps, c'est comment expliquez-vous que systématiquement les meilleures ventes d'albums soient des albums de rap? Comment expliquez-vous ce phénomène que vous avez vu émerger? C'est pas compliqué, l'abêtissement des masses, hein, voilà, ça, c'est... qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, causer des gens à moitié analphabètes... Il y a du rap conscient, pourtant. Je sais pas, moi ça m'emmerde, mais ceci étant dit, ça m'étonne pas. Enfin, je veux dire, 20 ans de Starac et de, je sais plus comment ça s'appelle, les ch'tis contre les Marseillais ou ce genre de conneries, la télé-réalité, l'abrutissement, maintenant on a Hanouna, sûr que si on continue comme ça dans 10 ans, le rap paraîtra une musique d'intello comparé à ce qui nous prépare. Hein. Je veux dire, le but est là. Et vous, Philippe, vous avez vu arriver ce phénomène? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça de l'intérieur? Enfin, de l'intérieur, ouais. Vous avez été rappeur. Tout à fait. Yeah, man. Non, j'ai... moi, la petite anecdote, c'est vrai que je démarchais, je me rappelle à cette époque-là, une maison de 10. J'étais allé voir, comment il s'appelle, Virgin Source à l'époque. C'était tenu par un gars qui s'appelait Ascoli, d'ailleurs. Ça, je peux dire, parce qu'il est parti, d'ailleurs. Et en fait, je démarchais avec ma cassette, je rentre, et j'attendais dans le petit hall d'attente. Enfin, on avait deux chaises et il y avait un gars à côté de moi. Et c'était rigolo parce qu'on commence à discuter, tout ça. La secrétaire vient nous servir un café. Et puis, il passe devant moi, donc il était attendu. Voilà, ça dure une demi-heure. Il ressort. Et je rentre à mon tour, et là, le directeur artistique était surexcité, il me dit « Oh putain, il faut que je te... » Alors, on se connaissait pas du tout. Il me dit « Ouais, il faut que je te fasse écouter, tout ça. » Je lui dis « Oui. » Et en fait, c'était Bouche de là. C'est rigolo. Solar. L'ami Solar. Non, je parle de Solar parce que c'est un des premiers à avoir amené un petit peu cette démarche de rap. Mais lui, il y avait quand même quelque chose. Parce que là où on en est, donc je vous parlais justement de je suis tombé dessus là, de ce gradure. Ah, c'est, bah, moi ça m'a halluciné de voir une telle misère. Enfin, mais une misère de l'esprit, mais je pensais pas qu'on en arriverait là, quoi. Je pensais pas. Mais le rap, pour moi, c'est ça. Enfin, non, puis franchement, j'ai jamais été fan de NTM, tous ces trucs. J'ai jamais aimé le rap, moi. Je peux pas dire, ça nous fait encore un point commun. Puis finalement, ils ont rien inventé, puisque quand on écoute le Requiem pour un con, hein, de Gainsbourg, c'était 25 ans avant, c'était pas du rap, mais c'était tout ce qu'il y avait de moins pire, j'allais dire, dans le rap. Après, ils sont contentés de continuer à parler sur des trucs. Sauf que Gainsbourg, musicalement, c'était quand même quelque chose. Ouais, alors que ces mecs-là ont aucun, voilà, Mais après, ça a été très influencé du gangsta américain, tous ces mecs, les blacks avec les grosses chaînes en or qui arrivent. Voilà, et du coup, on les a imités quelque part. Et on est rentré dans toujours le même truc, c'est-à-dire que au bout du compte, c'est faire du profit. Effectivement, les gamins achètent ça à tout va. C'est triste, quoi. Bah, c'est devenu un phénomène de société. Ouais. Je crois. Ouais. C'est comme quand on voit à Marseille des gamins de 14 ans qui vendent du crack ou je sais pas quoi. Ça va ensemble, quoi. Cette musique, c'est ça. C'est les putes, l'argent facile, la drogue, etc. Et voilà. Ouais. C'est quand même c'est un projet de société. C'est ça qui est terrible. Ouais, c'est ça. Donc c'est un projet de société. Et les gens qui prétendent de lutter contre les drogues dures, ils arrêtent. Ces gamins-là, mais ils remontent jamais les filières. Donc, ouais, c'est quand même inquiétant, mais bon. Et alors, côté variété, récemment, Jean-Marie Bigard a expliqué qu'il ne viendrait plus à la soirée des Enfoirés en expliquant qu'il fallait absolument, pour être un membre du showbiz qui compte, faire partie de cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclairer sur les coulisses de ce que les gens voient comme une soirée de bienfaisance, a priori? Tu veux t'y coller? Non, parce que moi, je connais pas du tout. D'ailleurs, je vois pas ce que c'est que la soirée des enfants. Il y a une botte en touche. Non, honnêtement, par contre, je connais pas du tout. J'ai entendu tout un tas de trucs là-dessus. Je sais que pas mal de gens, par contre, se désolidarisent de ce truc-là. Donc, je pense qu'effectivement, derrière tout ça, voilà, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours du fric hein, derrière. C'est pas, voilà, c'est la musique en France maintenant, c'est plus que ça. Et donc en fait, je pense que comme tout le reste, les Enfoirés, c'est une affaire de pognon à la finale et puis basta quoi. Évidemment. Moi, ouais. La seule chose que je sais, c'est simplement j'avais entendu, je crois que c'était il y a un an ou deux ans, hein, mais là, je crois que c'était la plus fantastique dope que j'avais jamais entendue. C'était un truc de Goldman encore qui avait fait pour les Enfoirés. J'ai écouté ça, j'ai failli tomber dans les pommes. Non mais vraiment, bon, c'est toujours de la merde, Goldman. Enfin, à mon avis, hein, musicalement. Mais là, je veux dire, ça dépasse tout. Je veux dire, c'est même pas de la musique. Enfin, alors, Moi, je suis pas. D'ailleurs, il s'en était pris. Alors là, pour le coup, tout le monde avait rigolé. Tu te souviens quand même de ce truc-là? Oui, c'était un échange entre la jeunesse et les vieux. Voilà, c'est ça. C'était l'intégrale. C'était énorme. C'est ça dont je parle. Il a basculé, Goldman. Il a basculé là. Ça, c'est la bascule dans le grand n'importe quoi. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que les tubes des années 80. Au niveau de l'écriture, mais même la conception, il y a toujours un petit peu de tendresse, de machin, de trucs comme ça. Et c'est bien écrit, c'est quand même bien foutu, c'est bien pensé. Mais il se trouve que, voilà, il arrive un moment où il faut arrêter. Il y a un essoufflement. Ouais. Ouais, et puis c'est sucré, c'est ça le problème. Le lait, le miel. Ça sert toujours, voilà. Non, mais il a fait des tubes énormes quand même. Hein. Mais bon, voilà quoi. Alors, ce que je vous propose maintenant, chers invités, chers auditeurs, c'est que nous écoutions une musique, un extrait du moins, d'un album d'un groupe lyonnais, puisque vous-même vous êtes lyonnais, Philippe Guepp. Je sais pas si on pouvait le dire, mais je le dis quand même. C'est trop tard. Hein. Fireball FC, yes. Ouais. Je vous propose d'écouter Simple Man. Très bien. On écoute. And he just wants to be kind, for he is such a simple man. With the bricks, he'd like to come and sing, keep them far away. And when he'll come to you, he'd say it's such a lovely day. And he just wants to be kind, for he is such a simple man. The priests, he'd like to come and sing, to keep them far away. And when he'll come to you, he'll say it's such a lovely day. And he just wants to be kind, for he is such a simple man. Simple Man de Fireball FC de l'album French Melancholy disponible sur contreculture.com. Xavier, tu disais que c'était très 70s, ça t'a plu? Ouais. Oh oui, très 70s, très beach Californie. Ouais. Avec, ouais. Ça fait penser on à la plage. On imaginait un petit peu la plage. Ouais. Ouais, d'ailleurs, la photo de l'album, comme je vous le disais, c'est un homme sur une plage. C'est mon pote d'ailleurs qui est donc, guitariste dans ce groupe. De Lyon. C'est ça. Ouais. Alors Xavier, tu faisais une remarque très intéressante. Alors oui, pour revenir sur l'industrie musicale canal habituelle, je voudrais revenir sur certaines productions qui, vues de l'extérieur, font l'effet d'une escroquerie manifeste et presque revendiquée avec une fuite en avant nihiliste. Et je pensais par exemple à un chanteur comme Philippe Catherine. Oh. Comment ce genre de choses ont pu émerger? Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage? Alors, je pense rien sur ce gars parce que je trouve ça lamentable. Après, tout le monde, il y a eu un vrai effet de mode. Moi, j'ai pensé que c'était parisien. Parce que moi, en tant que provincial, les parisiens, je les vois venir, si tu veux. Donc, je me suis dit, ça, c'est un truc parisien, c'est un truc de parisien. Et j'ai rien contre les parisiens, mais il se trouve que. Tu viens de le signaler. C'est le must, quoi. On peut rien dire. Sais, comment, c'est ce genre de truc. On va dire dans les couloirs, les directeurs artistiques, on va dire un peu vulgairement, spignolent là-dessus pendant 15 jours. Et du coup, ça part. Putain, on va sortir un truc. Ouais, tu vois, c'est super génial. Le mec, il a les cheveux comme ça et tout. Ouais, c'est concept. Ça va cartonner. Voilà. Alors attends, peut-être que le fait que ce soit un grand ami de Bernard-Henri Lévy et d'Ariel Dombal, il est pour quelque chose. Ah oui. Ah oui, bah voilà. Ouais. Non, voilà. Mais la boucle est bouclée. Qu'est-ce que tu veux dire plus? C'est comme la gravité, vous savez, on y revient toujours. Mais justement, le milieu de la musique, pardonnez pour cette question extrêmement naïve, le milieu de la musique est-il tenu? Et si oui, par qui? Non, mais là, tu veux pas la refaire, là, non? Non, à peine. Bah, oui, tu veux vraiment nous mettre dans la merde. Bon, est-il tenu? On va dire qu'on pense que oui, voilà. Ouais. Par qui? Bon, pas par certaines personnes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Mais enfin, bon, simplement, pour le classique, moi, j'étais sidéré de voir, il y a pas longtemps, justement, bah, tiens, on faisait le lien en parlant de, enfin, je faisais le lien en parlant de Dombal et compagnie. Il y a pas que ça. Dombal, elle fait maintenant des mises en scène d'opéra. Hein. Voilà, d'opéra. C'est-à-dire, vous avez des metteurs en scène qui n'ont pas de boulot, qui ont passé toute leur vie à faire ça, etc. On prend Ariel Dombal. Vous avez maintenant Monsieur Jacques Attali qui dirige des orchestres contre le gré des chefs. Putain, c'est hallucinant. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, il y a des gens. Voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît, quoi. Ils osent tout. Qui domine le milieu musical, ça chacun, moi je sais pas, voilà. Ouais. Enfin, il y a des choses qui sont étonnantes. C'est-à-dire que quand même, normalement, il y a une limite. C'est-à-dire, normalement, des gens qui ont à peu près tout le pouvoir se disent, bon, quand même, bon, ça c'est, je connais pas, je vais laisser ça aux autres. Non, faut y aller, en fait. C'est... Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup de respect, justement, pour les chanteuses à voix, tout ça, mais c'est vrai que Dombal, pour moi, c'est du niveau de Philippe Catherine. On est dans le même registre. Elle chante vraiment comme une merde. Enfin, j'ai clair. Non mais c'est du délire. Et je comprends même pas qu'on lui fasse faire des albums, cette nana. Enfin tu vois, tu te dis à un moment, les gens vont pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Parce qu'elle chante, c'est horrible. Enfin dans Balm, mais c'est horrible. Horrible. Elle chante comme son mec écrit, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la nullité, ça se surajoute l'escroquerie, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, je pense qu'effectivement, il y a des... Il y a des moments où les gars phosphores dans les cintres, dans les bureaux des maisons de disques, ils se disent, oh putain, on va faire un truc avec ça, ça va être génial et tout. Voilà, ça se passe comme ça. Mais après, il y a des dessous de table, mais enfin, il y en a aussi sans doute, mais il y a toutes les affaires qui se passent en backroom et qui facilitent justement la mise en place de ce genre de projet. Non mais évidemment, parce que la plupart du temps d'ailleurs sur des projets comme ça, on n'a pas très bizarrement les chiffres de vente. Moi je suis persuadé qu'à part... c'est pareil, hein, les livres de BHL, ils se vendent pas. Hein, pourtant on voit que lui est partout. Je veux dire, il y a pas du tout de rapport entre la production d'un disque de Dombal ou d'un livre de BHL et le voilà. Donc c'est au départ, on va pas nous faire croire que c'est les éditeurs sautent là-dessus parce qu'ils disent on va se faire plein de fric. S'ils se font plein de fric, ça sera sans doute pas par les ventes publiques, parce que heureusement quand même ça va pas jusque là. Il y a pas 5 millions de Français qui vont acheter un disque de Dombal ou de même pas 100 000, je pense pas maintenant. D'ailleurs, en tout cas. En tout cas, pour les livres de BHL, on est sûr, hein, puisque tous ces trucs, même ces pièces de théâtre, il est obligé de les arrêter. Mais je crois que ça, c'est, ils se font plaisir. Bon, alors maintenant, c'est vrai que dans les maisons disques sont aussi capables, évidemment, de faire vendre absolument n'importe quoi. Mais même dans le n'importe quoi, je sais pas, j'ai pas les chiffres, évidemment, ça, mais on n'en parle jamais. Je suis pas certain que. Enfin, moi, je connais pas grand monde qui a un disque d'Ariel Dombal chez lui. Non, bon, d'ailleurs, j'ai jamais entendu personne, alors ça peut-être vous m'amènerez la contradiction, mais j'ai jamais entendu personne me dire, de mon entourage de musicien, putain, Dombal, elle chante mortel. Ça m'est jamais arrivé. Non, je sais pas, plus, peut-être vous en connaissez. Ah non. Non, non. Et alors, j'avais une question à vous poser, c'est est-ce que vos prises de position actuelles, récentes, vous ont. Est-ce qu'on vous a puni pour avoir quitté le système? Est-ce qu'on vous a puni d'une façon ou d'une autre? Et si oui, comment? Tu veux que je commence? vas-y Stéphane. À peine. Non, bah, moi, de toute façon, ça fait déjà des années que je suis emmerdé. Mais effectivement, oui, bah, bien sûr. Bah, depuis que je parle encore plus clairement et que j'ai rejoint Égalité et Réconciliation, oui, bah, j'ai eu la totale. J'ai eu les associations, évidemment, israéliennes sur le dos, des pressions, des annulations de concerts, des menaces même envoyées à des amis ou à des fans, etc. L'intégrale, des directeurs de festivals qui se font menacer s'ils m'invitent, carrément. Hein. Et puis pas que ça. Et puis il y a même un petit con, un journaliste de... Enfin, journaliste, bon bref, magazine Diapason et de sur France Musique, qui a carrément écrit un truc en menace... Enfin, c'était quasiment une menace contre les autres journalistes qui oseraient dire un mot de bien sur moi ou sur mes disques. Et il a pris comme motif que j'étais copain avec Bruno Gollnisch, donc un nazi, machin, etc. Et qu'en plus, j'étais proche de Soral, enfin voilà, mais bon. Et donc, le type qui a visiblement reçu un coup de téléphone, évidemment, parce que c'est un jeune con, je pense qu'il s'en fout à l'origine, mais il a reçu un coup de fil, il a voulu faire du zèle, et du coup, il a fait un truc quand même assez hallucinant. C'est-à-dire de balancer absolument partout. Faites très attention si jamais vous osez. Je vois avec stupéfaction que j'ai des amis qui l'ont comme ami sur Facebook. Alors même ça, c'est pas possible. Enfin, des trucs absolument hallucinants. Et maintenant, pour faire plus de zèle, ils y vont carrément. Ils n'essaient même pas de le cacher, c'est-à-dire de te boycotter en douce. Ils lancent des appels au boycott au cas où certains ne seraient pas d'accord pour le suivre. Donc effectivement, ça n'arrête pas, mais ça devient presque risible, quoi. Et toi? Attends, du coup, j'ai écouté Stéphane, j'ai perdu le fil de... Enfin, la question de départ, qu'est-ce qu'on t'a fait depuis que tu t'es rapproché? Oh putain, oui, j'ai été puni. Ah, j'ai pris ma fessée, moi, mais sévère. C'est grosse fessée de beaucoup de monde. Ça fait partie des trucs qui m'étonneront toujours, c'est-à-dire que... Et je vais donner un exemple très concret, c'est-à-dire que quand j'ai décidé justement de faire cet album, voilà, un petit peu, fait, on va dire, faire une photo de ce que je voyais du monde en ce moment, c'est-à-dire que c'est quand même assez, il y avait des hauts et des bas, il y avait beaucoup de bas, et en fait, je suis retourné voir des anciens potes de musique, donc qui étaient encore dans le milieu, et je suis allé en voir deux, et donc il y en a un avec qui finalement ça aboutit, on s'est vraiment régalé à faire cet album. Et l'autre, par contre, donc quand je les avais rencontrés tous les deux, je me souviens très bien, on a fait une petite réunion, j'ai fait écouter les chansons, et donc c'était maquette, guitare, voix, mais alors les mecs, super enthousiastes, enfin, ils m'ont dit, ouais, franchement, c'est bien, moi je suis banco. Alors, il n'y avait pas encore toutes les paroles, hein, mais il y avait les mélodies, je faisais gna gna gna, un peu de yaourt pour faire piger un petit peu l'ambiance du truc. Et je glisse dans la discussion, c'est rigolo, je glisse, parce que j'ai un pote qui me dit, mais tu vas démarcher ça où? Je lui dis, écoute, de toute façon, je ferai pas les majors, c'est bon, laisse tomber. Par contre, j'ai ma petite idée, je pense que j'irai voir Contre-Culture. Ah bon? C'est quoi Contre-Culture? Je lui dis, c'est une petite maison d'édition parisienne. Ah bon, d'accord, ok, bon, et puis voilà, et puis après, plus de nouvelles, et 5 jours après, je reçois un SMS d'un des deux, qui me fait, écoute, faut qu'on reparle du projet, mais sans plus, donc je l'appelle, je lui dis, c'est quoi le souci? Ouais, écoute, je suis allé sur internet, franchement, j'ai tapé sur Google, enfin voilà, donc le mec a dit, non, laisse tomber, je pourrais pas le faire, il m'a même dit, je peux pas le faire, j'ai des amis juifs. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui dis, moi aussi, j'en ai plein, des amis juifs, mais lui, ça lui posait problème, voilà. Non, mais on en est là, quoi. Donc, effectivement, j'ai été un petit peu puni. Puni par le système. Et par ailleurs, donc on l'a dit hein, au cours de l'émission, la merde dans la musique aujourd'hui est symptomatique de notre époque. Mais est-ce que par ailleurs vous diriez que l'une des clés de la libération de la France passerait par la musique? Quand je dis ça, en réalité, ma question est, fait référence à quelque chose qu'a mis en place Hugo Chavez au Venezuela, qui est la musique gratuite, les cours de musique classique gratuite pour tous, financés par l'État. Donc on a des centaines de milliers de Vénézuéliens qui, chaque semaine, ont un instrument de musique payé par l'État et vont se rendre à des cours de musique classique. Est-ce que vous diriez que ça peut être un modèle, une solution? Nous, on apprend la flûte à bec, non? Ah, mais absolument, non. Mais c'est génial ce qu'il a fait. C'est génial. Ouais. Il n'a pas fait que ça, parce qu'il a, il a fait un orchestre avec des jeunes musiciens, je crois la plupart étaient orphelins, etc., qui est devenu un des meilleurs orchestres avec Dudamel à l'époque. Donc oui, c'est exceptionnel. Moi, je pense qu'effectivement, le rapport entre la musique et justement l'idée de liberté, enfin, la liberté qui commence quand même par la possibilité de savoir se concentrer sur quelque chose, de savoir développer une idée, de, voilà, enfin, bref, de ne pas tomber dans tous les pièges, ça marche. D'ailleurs, il y a eu des même scientifiquement, c'est prouvé. Enfin, je veux dire, des jeunes en difficulté, on les a mis devant, je sais pas, des exercices de maths, d'histoire, je ne sais quoi, dans deux situations, sans musique et avec musique, en fond sonore, une symphonie de Mozart, et les mêmes ont eu des résultats infiniment supérieurs. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans, c'est vrai. Mmh. Et c'est vrai que le fait que beaucoup de jeunes n'aient pas accès à cette musique-là, et aussi, effectivement, sans doute, le contact avec un instrument, c'est assez terrible. Donc parce c'est que, génial ce qu'a fait Chavez. Parce que la musique demande à la fois de la rigueur et en même temps de la créativité. Voilà, il y a les deux, c'est ça. La rigueur d'un côté et l'imagination qui se libère de manière saine. Voilà, donc c'est vraiment pour se structurer, il n'y a rien de mieux. Oui. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Ceci dit, il existe en France une formation qui s'appelle, un diplôme qui s'appelle le diplôme universitaire de musicien intervenant à l'école. Donc, il y a déjà tout un programme qui est fait depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Où le système essaye de remplacer. Alors c'est plutôt pas mal dans l'idée, c'est que le système essaye de remplacer les cours de flûte à bec dispensés par l'Instit avec des vrais musiciens, temps. Tu sais, voilà, qui viennent enseigner la musique dans les classes. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose hein, en réalité. Voilà, je vois pas vraiment le résultat. Parce que comment vous définiriez le système d'enseignement de la musique en France actuellement? Comment vous l'évalueriez? Il est beaucoup moins développé qu'en Allemagne, non? Je peux pas vraiment répondre à cette question. Je connais pas le milieu de, on va dire, de l'enseignement de la musique. Peut-être toi, Stéphane. À l'école, oui, dans les collèges, et ça, c'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique, puisqu'on a, de toute façon, à ma connaissance, il y a quoi? Il y a qu'une heure par semaine, un truc comme ça. Donc, en une heure, qu'est-ce que vous voulez faire? Il serait logique que, justement, on essaie de leur faire simplement écouter d'abord un peu de musique, leur faire reconnaître un peu différents styles, leur donner envie, leur parler un peu de la vie des compositeurs. Voilà, ça serait déjà pas mal. Au lieu de ça, effectivement, on voit des trucs incroyables. Ils leur font apprendre de ce qu'est la forme sonate, mais ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, c'est comme si on apprenait la grammaire à quelqu'un qui ne sait pas lire. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ça les dégoûte plutôt qu'autre chose. Et puis effectivement, le truc de la flûte à bec, c'est l'idée qu'ils fassent un instrument, mais une heure par semaine, déjà, ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est surtout l'obligation qu'il y avait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est obligatoire de jouer de la flûte à bec. Je veux dire, on peut aimer la musique et pas avoir envie de jouer de la flûte à bec. Je veux dire, le gars à 14 ans, etc., qui ont mis dans les mains. Enfin, c'est pas une manière de faire aimer la musique. Je pense qu'en une heure par semaine, il faudrait faire autrement. En tout cas, je vois que tous les jeunes s'éloignent plutôt de la musique et ont un mauvais souvenir dans de ça. Voilà. Dans le rap. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, musique classique, après, ça va être synonyme de cette heure qui leur a déplu et c'est grave. Alors, chers invités, chers auditeurs, ce que je vous propose, c'est que nous écoutions un autre morceau de Contre-Culture Musique. Donc, cette fois-ci, on va se plonger dans un univers différent, celui de Chaos Theory, qui qualifie sa musique d'électro-instrumental progressif. On va écouter Absolution de Chaos Theory. Absolution de Chaos Theory, disponible sur le site contreculture.com. Stéphane Blé, on est quand même éloigné de vos morceaux habituels. Ah oui, ça c'est clair, chacun son style. Enfin ça, moi je connais pas très bien ce type de musique, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. J'aurais bien aimé entendre d'autres titres aussi pour voir s'ils utilisent d'autres systèmes, mais c'est un album qui va sortir ou... Il est sorti, d'accord. Alors parlons un peu de... Je l'écouterai en entier. Il y a des petites sonorités à la Kraftwerk. Je sais pas si vous avez connu ce groupe dans les années 80, début 80, fin 70. Pas du tout. Et ben voilà, Kraftwerk, mais peut-être que les auditeurs... voilà. Est-ce que vous diriez que l'éclectisme est ce qui caractérise Contre-Culture Musique ? Ah bah sans aucun doute, oui. Fait, oui, vu la diversité des albums qu'il y a, c'est clair, oui. Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes tourné vers ce label ? Bah d'abord parce que justement, c'est totalement de fait hors système que on trouve des albums de vraiment style très différent. Et puis c'est aussi une manière de se réapproprier la culture et la musique hors du système, en donnant à des artistes justement une liberté de ton qu'ils ne pourraient pas avoir dans les majors ou même dans le système en général, puisque les albums sont de plus en plus standardisés partout. Et ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, chez Contre-Culture, c'est plus la personnalité des artistes qui est mise en valeur. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va nous emmerder pour dire « Ah oui, mais non, ça cadre pas avec... » Non, c'est ça qui est intéressant. Et c'est 100% de manque, disons-le. On peut le dire. Philippe Guepp, Contre-Culture Musique, ça représente quoi pour vous ? Non, c'est une chouette aventure, moi je suis très content. Je repense à un truc qui m'était arrivé en maison de disque où en fait je travaillais sur une comédie musicale et on me demandait de bosser. Enfin, c'était une comédie musicale sur un contexte très historique avec un lieu assez précis, géographique, un peu connu de tous. Et donc je bosse, je propose des chansons, etc. Donc ça passe à la moulinette de tous les directeurs artistiques, de tous les étages de la maison de disques. Et un jour, à 11h du mat, le gars devait finir sa soirée et rentrer du baron, tu vois. Et il m'appelle, écoute Philippe, j'ai réfléchi, j'aime beaucoup ton dernier morceau, mais il faudrait mettre le mot vodka dedans. Voilà, j'ai jamais su pourquoi. Voilà. Donc alors justement, ça c'est un truc, je me dis, chez Contre-Culture, au moins ça t'arrivera jamais, tu vois. On peut finir par ça. Stéphane Blé, Philippe Guepp, merci beaucoup. Alors je rappelle que Stéphane Blé, votre album Figure Libre est disponible sur contreculture.com. Alors il faut scroller, il faut aller tout en bas du site et c'est là que sont les disques. Et vous Philippe Guepp, un album qui vient de sortir, il est sorti il y a un mois environ. Oui hein. C'est ça, le 6 janvier. Le Retour du Roi, alors ce titre, Le Retour du Roi, fait-il référence directement au Seigneur des Anneaux ? Pardonnez-moi cette question. Non, c'est vrai que j'y ai pensé, mais non. D'accord, non. Et pourquoi alors Le Retour du Roi ? Parce que j'avais une chanson en fait, enfin j'ai une chanson dans l'album qui s'appelle comme ça, et il faudra que les éditeurs fassent l'effort d'aller l'écouter cette chanson, parce que ce sera plus simple, parce que c'est très difficile à expliquer enfin, tout le cheminement pour en être arrivé là, mais du coup je cherchais un titre, j'avais pensé à d'autres choses, et en fait en discutant avec l'équipe de Contre-Culture, on s'est dit ça serait pas mal de prendre ce titre éponyme. C'est-à-dire ? Vous pensiez à quel titre ? Non, j'avais une idée, c'était Esprit dans la matrice. Mais ça faisait c'est autre chose. Ouais. Mais en fait, du roi, je pense que Le Retour du Roi, mais ça veut dire à peu près la même chose. Et partie de l'Action française. non, au contraire, j'étais parti de l'idée de l'album de Police, je me souviens, qui s'appelait Ghost in the Machine. Voilà. Ghost in the Machine, Esprit dans la Matrice, et on en est au Retour du Roi, voilà, c'est ça. Disponible sur le site www.contreculture.com, aux côtés de nombreux autres artistes, je citerai notamment Siren, La Mota, Gilda Tatzmon, Typhon, Mino Cerbès, Franck De Weer, Casper Valmé, Philippe Guepp et Stéphane Blé, ici présents, chers auditeurs, tout sauf du rap, on en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Contre-Culture, des clips Contre-Culture Musique y sont régulièrement partagés. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur une composition de Stéphane Blé, Sonate, opus 40, numéro 4, intitulée Renaissance, de l'album Figure Libre. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.